Salah Eddin. C'est pas du rap de PD. Narcos. C'est pas du rap de PD. Pas contre les politiques, tout devant le but se lève et mort. 2007. Je suis pas communiste, je suis pas islamiste, je suis juste lucide. Après 3 mois de suspense qui avait commencé ici même, à cette place, Lionel Jospin a donc jeté l'éponge. Conscience du poids des mots et de l'importance de l'acte. Oui, j'accepte d'assumer cette mission de conquête pour la France. L'ancien Premier ministre entend toutefois continuer à participer au débat et s'est d'ores et déjà prononcé contre la favorite Ségolène Royal. Nous sortons du virtuel. Nous rentrons dans le réel. Les choses vont être totalement différentes de ce que nous avons été jusqu'à maintenant. Contre le foutage de gueule, fous le spell mon frère. Les promesses non tenues, brise les dos de nos pères. Tu passes ta vie assis sur le banc des soucis avec une peine de sursis. Lève ton poing, engage-toi, réalise la prophétie. C'est à toi de juger, représente la génération poche. Trou et peur, léger poche, vide, envie de futur, suivez le guide. C'est à toi de choisir, c'est à toi de juger. Ne cherche pas le martyr, il est trop facile à trouver. Campagne électorale, endettement minable, endettement peu banal et des métiques formidables. De la poudre aux yeux, tout simplement scandaleux. Et du site du gouvernement rend nos petits frères malheureux. Si toi aussi tu galères et que ton pouvoir d'achat explose comme Columbia, serre le poing, lève ton bras, monte au front comme Al Salaya. Et des bambins jouent à cache-cache dans le cachot, cachant image trash de gamin à la misère s'attachant. Ok, ok, Salah Eddin, l'homme de terrain. Entre social et bénéfice, j'ai choisi mon chemin. C'est à toi de choisir, c'est à toi de juger. Je suis pas là pour donner des noms où t'es influencé. Ça craint, c'est grave, le petit nerveux tire ses balles. C'est creux, évite la belle salope t'embobine. C'est comme parole déséquilibrée au journal. Et on prétend être un état démocratique et libertaire. Ce que je veux c'est du travail et du social complémentaire. Ce qui nous donne c'est de la vaseline et un gros taux d'échec scolaire. Ma petite fille grandira dans un square inégalitaire. Pardonnez-moi j'ai pas le QI d'un boysman post-pubertaire. Narcos te le dira, ici ça craint, ici c'est hoche. Cherche vite que tu croiseras, t'obligeras à vider tes poches. Politique, rime avec panique. Socialiste plein de fric, écologiste illogique. J'ai décidé de mener mon propre chemin, ma propre voix, mon propre destin. Loin des arnaques de Jacques Chirac et de l'Europe de Giscard d'Estaing. Si toi aussi t'es blasé, largué ou démuni, fais comme Narcos à la Elvin, rejoins le gang des insoumis. Avec un risque malgré tout, c'est toujours dans les esprits, à gauche en tout cas, de renouveler le 21 avril 2002. Je crois que vraiment aujourd'hui, on a envie de dire à ce grand patronat qui fait d'énormes profits, qui n'investissent pas pour créer justement des emplois, eh bien que ça suffit, qu'ils font autre chose, une autre société. Narcos. Les présidents se succèdent et rien ne bouge. Pas de leçons tirées du deuxième tour, les voyants sont au rouge. Les plus hauts placés pratiquent la langue de bois. Une partie du peuple crève, l'autre pète dans la soie. Ma carte d'électeur est censée changer tout ça. Tant de prétendants, difficile de faire son choix. Heureusement les médias nous éclairent. Quelques reportages et tout devient plus clair. Je dirais même qu'il n'y a plus de choix à faire. Manipulation par l'image, voilà leur savoir-faire. Dis-moi, qui est celui qui va changer notre destin? Mettre un grand coup de pompe dans l'intestin de ce pays qui se sous-développe. Faut cogiter au nom, à glisser dans l'enveloppe. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Difficile de se dire que notre vote a du poids. Pas de moyens pour la recherche, on renforce l'armée. Le salaire ministériel continue d'exploser. C'est le plus enfoiré qu'aura les clés de l'Elysée. Au sein des partis, y'a même plus d'unité. La politique est censée séduire la jeunesse. Le peuple a faim, les hautes classes s'engraissent. On crée des polémiques, des faux débats, puis on reproche aux gens. Mais pourquoi vous votez pas? Personne nous représente, c'est banal mais bien réel. On est tous dans l'attente de l'arrivée du Père Noël. Celui qui baissera les taxes, supprimera les impôts, créera du taf, mettra les SDF au chaud. Mais là mon pote on baigne dans le faux. Ce qu'ils veulent c'est le jackpot. Leur place au deuxième tour à 20h aux infos. Qu'ils soient hommes ou femmes, ils prétendent être les sauveurs. Mais personne n'a le programme qui redonne à la vie la saveur. Le mot haine ne fait pas partie de mon vocabulaire. Mais je suis un homme pondéré et responsable. J'entends bien. Mais il y a des choses sur lesquelles je ne plaisante pas. C'est un personnage qui est à la fois ambitieux mais cynique. Et qui, si vous voulez, est plus fasciné par la conquête du pouvoir que par l'exercice du pouvoir.